mardi à Assemblage requis. La première chronique plein air de Émilie Gauthier en 2010 et on verra si elle réussira à faire sortir Mathieu dehors. Et sur une note un peu plus réaliste, il y aura une chronique technologique CNX. Ça et encore plus à Assemblage requis, mardi 15h.